Ansage. Quarante-cinq. Quarante-cinq. C'est pas ça? Est-ce qu'il est Stéphane? Il est là, c'est... Poyard, 45. C'était à 45. C'est à 45, hein? Ouais. Donc, le... C'est pas grand mal, hein. Non, 25. Cinquante-cinq. Et puis c'est à 45. Et puis c'est à 45. On a eu au terme de la partie là, mais il y aura une limite claire. Ouais.